بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونجأ الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ses assises. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses bienfaits. Et ces assises, comme vous le savez, sont pour se conseiller mutuellement la vérité et l'endurance. Et ceci n'est que tout simplement la mise en application de ce que nous a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala et ce que nous a ordonné notre messager alayhi salatu wassalam. Lors de l'assise d'hier, nous avons cité le texte qui recommande le fait de chercher une fréquentation vertueuse droite dans sa religion. Et certains peuvent se poser la question, et certains se posent certainement la question, c'est quoi les qualités des fréquentations qu'on doit choisir? Et c'est quoi les qualités des personnes qu'on doit chercher comme compagnon? Et ceci, la réponse de cette question, c'est le paragraphe d'aujourd'hui, Inch'Allah, qui est les qualités du compagnon, qui sera les qualités du compagnon vertueux. La réponse en général à cette question, c'est toute bonne qualité que la législation d'Allah recommande doit être dans cette personne qu'on veut fréquenter. Toute qualité que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala recommande, que ce soit dans le livre d'Allah ou dans la sunna du messager alayhi salatu wassalam. La première des qualités étant taqwa. Taqwa, qui est le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en détail, taqwa, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, espérant la récompense d'Allah. Et c'est aussi le fait de s'abstenir de la désobéissance, de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah, en quelque sorte, se préserver du châtiment d'Allah, Azza wa Jal, par la mise en application de ses ordres et le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Car celui qui préserve les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, préservera les droits de ses fréquentations. Il ne dévoilera pas leurs secrets et ils n'auront que le bien de sa part. Car celui qui préserve les droits d'Allah, ce qu'il fait, il ne le fait pas par ostentation. Et il ne s'attaque pas aux gens pour leur faire du mal. Et il ne sera pas la cause d'aucun mal pour eux, dans leur mondain et dans leur religion. La deuxième qualité, c'est le bon comportement. Le messager d'Allah a dit, dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed et al-Bukhari, dans l'adab al-mufrad, il a été dit au prophète d'Allah, c'est quoi le meilleur don qu'a eu le soumis musulman, qu'a eu le soumis Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, alayhi salatu wassalam, le bon comportement. Ça, c'est le meilleur des dons qu'a eu le soumis Allah subhanahu wa ta'ala, le bon comportement. La question fait poser à notre mère Aïcha radiallahu anha sur le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu, radiallahu anha wa ardaha, il était celui qui avait le meilleur comportement. Il n'était pas pervers, il n'incitait pas à la perversité. Il ne criait pas dans les marchés, mais il excuse et pardonne. Rapporté par l'imam Ahmed et par Tirmidhi, c'est un hadith authentique. La troisième qualité qu'il doit avoir dans ce compagnon qu'on veut avoir comme fréquentation, c'est qu'il ne doit pas faire des conjonctures sur ses compagnons. Il ne doit pas faire des conjectures sur ses compagnons. Le croyant cherche des excuses pour ses frères. Quant à l'hypocrite, il divulgue les vices et les défauts des croyants. Alors que l'interdiction est claire dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager alayhi salatu wassalam concernant les conjectures. Qala azza wa jal, يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. La traduction approximative du sens de ce verset dans Sourate les Appartements, verset 12, il est dit « Ô vous qui croyez, éloignez-vous de beaucoup de conjectures, c'est-à-dire sur autrui, car certaines conjectures sont un péché. » Et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu arda rapporte que le messager d'Allah a dit « Prenez garde aux conjectures, car c'est des mensonges. Prenez garde aux conjectures, car c'est des mensonges. » Nawawi rahimahullah, dans l'interprétation qu'il a fait de l'authentique de Muslim, a dit, concernant ce hadith, « Cela signifie que tu juges que tu juges et que tu renfermes un mauvais jugement sur autrui. » Les conjectures, ça veut dire que tu juges, que tu as un mauvais jugement, que tu renfermes un mauvais jugement sur autrui dans ton cœur. Fin de citation. Et comme le fait de croire que ton ami, ton compagnon, ta fréquentation est négligent dans sa religion, ou dans son comportement, sans aucune preuve, où il a des manquements dans son minhaj, et il a des dévaillances dans son minhaj, ou dans sa aqida sans aucune preuve. C'est tout simplement une conjecture que tu as vis-à-vis de lui, et qui s'est nouée dans ton cœur. La quatrième qualité, le pardon et l'excuse des erreurs. Le pardon et l'excuse, c'est le frère n'est pas un ange, il peut fauter vis-à-vis de toi, il peut commettre des erreurs vis-à-vis de toi. Donc l'une des qualités, c'est l'excuse des erreurs. Car il est dit dans le verset, dans Sourate Al-Hijr, قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ. La traduction approximative du sens du verset, l'heure approche inexorablement, accorde-leur un beau pardon. Accorde-leur un beau pardon. وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفِحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. La traduction approximative du sens du verset, dans Sourate la Dipris, verset 14, « Si vous passez autre et que vous pardonnez, sachez qu'Allah pardonne et qu'il est miséricordieux. » وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ فَعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. La traduction approximative du sens de ce verset, « Pardonne-leur, il ne leur en tient pas rigueur, car Allah aime les bienfaisants. » Donc le fait de passer sur les erreurs des frères et de ne pas leur en tenir rigueur et le fait de les pardonner, ceci, c'est un noble caractère. Ceci est un noble caractère. N'a ce caractère que celui dont l'âme est pure, qui a un excellent comportement. Dans le verset de la table, dans Sourate la Table, Allah l'a décrit d'être bienfaisant. Le messager d'Allah a dit, celui qui excuse aux musulmans son erreur, Allah lui excusera la sienne le jour de la résurrection. Le hadith est authentique, rapporté par l'imam Ahmad et par Abu Daoud. Celui qui excuse aux musulmans son erreur, Allah lui excusera la sienne le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Un certain ascète avait dit, le croyant cherche des excuses à ses frères et l'hypocrite cherche à divulguer leurs vices et leurs défauts. La cinquième qualité que doit avoir celui qu'on veut fréquenter, c'est qu'il ne doit pas divulguer les défauts de son compagnon ni son secret. C'est tout à fait normal que la fréquentation voici celui qu'il fréquente du bon et du mauvais. S'il ne divulgue pas le mauvais, cela prouve qu'il donne l'importance à celui qu'il fréquente. Sinon, il fait partie de ceux qui cherchent les défauts des autres. Alors qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous ont interdit de chercher les vices et les défauts des gens et de les divulguer. قال عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc la traduction approximative du sens de ce verset dans sourate La Lumière, verset 19, il est dit: ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants subiront un châtiment douloureux ici-bas et dans le delà. Allah sait et vous ne savez pas. La Lumière, verset 19. Et selon Ibn Omar, radiallahu anhu arda, le messager d'Allah a dit: celui qui occulte les vices d'un musulman, Allah lui occulte les siens le jour de la résurrection. Rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Celui qui ne propage pas les défauts de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala, lui occulte ses défauts le jour de la résurrection. Et nous devons faire très attention à notre langue. Et au fait, des fois, on a une bonne fréquentation, mais des fois, on ne fait pas attention et on commence à dire, à propager les défauts de notre fréquentation. Alors, ce qui est de notre devoir, c'est plutôt de l'orienter, d'essayer de le corriger, et non pas de divulguer ses défauts. Car, c'est très clair, quand on fréquente quelqu'un, il est normal qu'on voit le bien et le mal. Et combien c'est plus facile de fréquenter, c'est de propager le mal, que ça, pour certains, il est lourd de propager le bien. Alors que c'est le contraire qui doit se faire, propager le bien. Pour avoir une harmonie dans la société qu'on fréquente, et dont au milieu des frères qu'on fréquente, et ainsi de suite. Et parmi les qualités que doit avoir celui qu'on, pour choisir notre compagnon et celui qu'on fréquente, c'est qu'il ne doit pas être jaloux. Il ne doit pas être jaloux. La jalousie, c'est souhaiter à quelqu'un la fin d'un bien, que ce soit un bien ayant trait à la religion ou ayant trait à ce bas monde. Et cela est interdit par le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salam et le consensus de cette communauté. قال عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. La traduction approximative du son 54 dans sourate les femmes, il est dit: où jalousent-ils les gens pour ce que Allah leur a accordé comme grâce? Le messager d'Allah a dit, le hadith, dont le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, selon Anas, le prophète d'Allah a dit: ne vous haïssez pas, ne vous jalousez pas, ne vous détournez pas les uns des autres, ne rompez pas les relations entre vous, et soyez des soumis à Allah, liés par la fraternité de la foi. Il n'est pas permis à un musulman de rompre ses relations avec son frère plus de 3 jours. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'il n'est pas permis à un musulman de rompre ses relations avec son frère plus de 3 jours. Ceci concerne le frère qui est sur la bonne voie. Et que notre séparation avec au-delà de 3 jours et même plus doit se faire pour quelque chose de la religion et non pas pour le mondain. Quand il s'agit d'une dispute entre nous pour quelque chose de mondain ou autre, ça, notre rupture ne doit pas dépasser 3 jours. Il faut bien comprendre ceci et faire la différence entre le fait de mettre quelqu'un à la quarantaine et de ne pas le fréquenter et de ne pas le saluer quand on le rencontre et de s'éloigner de sa fréquentation quand il est avec, par exemple, avec le Moussafiqa et il est obstiné dans cette tendance ou avec l'Ikhwan ou avec autre. et le fait d'avoir un litige avec son frère au niveau du mondain et au niveau du relationnel. Ceci ne doit pas dépasser 3 jours, contrairement à celui qu'on met à la quarantaine à cause d'une déviance dans l'aqida et dans la voie. Le jaloux, en général, n'aime pas tout simplement avoir ce que possède son compagnon. Il n'aime pas tout simplement avoir ce qu'a son compagnon. Lui, il veut cela. Mais il ne veut pas que cela, tout simplement. Il souhaite aussi à son compagnon qu'il ne l'ait plus. Que ce soit la fortune, que ce soit la droiture dans la religion ou autre. Le jaloux, c'est pas tout simplement sa maladie, c'est pas tout simplement qu'il n'aime pas le bien qu'il a cette personne, mais il n'aime pas que cette personne l'ait, et il veut que cette personne, il souhaite que cette personne ne l'ait plus. Donc, il n'y aura aucun bien de ce genre de compagnon dont le cœur est ainsi. De la compagnie d'un jaloux ne peut découler que le mal. Quand il parle, il ne sera pas digne du conseil. Et si on lui confie quelque chose, il ne sera pas loyal. Et quand il discute, il ment. Son souci, c'est d'avoir ce que possède son compagnon. Quant à celui qui est épargné de cette maladie, quand il discute, il prodigue des bons conseils. Il ne ment pas. Il est loyal quand on lui confie quelque chose. Et il est véridique. Quand il parle et quand il souhaite avoir ce que possède son compagnon, il ne désire pas la disparition du bien de celui-ci. Et la loyauté, c'est pas tout simplement on te confie quelque chose et tu sois digne. Ou si on te confie une parole, la personne te dit, garde ceci en secret entre moi et toi. Donc, tu dois pas non plus, tu dois être digne de ce secret qu'il t'a confié et loyal de cette confiance qu'il t'a faite. La 7e qualité que doit avoir notre fréquentation, la pudeur. La pudeur, quelque chose de très important. La pudeur, c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur, mais c'est une lumière sur le visage. La pudeur est une lumière du visage de celui qui en est doté. Celui qui en est doté préserve son regard. Il préserve le secret de son compagnon. Il ne divulgue pas ses défauts. Les savants ont dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde, on dit que la pudeur est un comportement qui motive à délaisser tout ce qui est mauvais et empêche de négliger les droits d'autrui. La pudeur est un comportement qui motive à délaisser tout ce qui est mauvais et empêche de négliger les droits d'autrui. Le messager d'Allah a entendu un jour un homme exhorter son frère concernant la pudeur. Le messager d'Allah lui a dit, laisse-le, car la pudeur fait partie de la foi. Rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Et dans l'autre hadith rapporté par le Bukhari, le messager d'Allah a dit, ce qui ne reste des paroles de la première prophétie, si tu n'es pas pudique, fais ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu n'as pas la pudeur, fais ce que tu veux. D'après Imran ibn Hussein, le messager d'Allah a dit concernant la pudeur, il a dit, de la pudeur ne provient que le bien, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et dans la version du Muslim, la pudeur est tout le bien, ou la pudeur est tout un bien. Et notre messager était très pudique, alayhi salatu wassalam. Et parmi les qualités aussi, c'est qu'on doit chercher sur la bonne fréquentation, c'est le fait qu'il préserve le secret. قال عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Dans Sourate le voyage nocturne, verset 34, la traduction approximative du sens de ce verset nous dit cela. Et respectez vos engagements, car vous serez questionnés à leur sujet. Et quand un frère te confie quelque chose, hein, un secret à lui, ben c'est un engagement que tu as pris vis-à-vis de lui. Tu ne dois pas le rompre. Et tu ne dois pas divulguer le secret qu'il t'a confié. Et selon Abu Saïd al-Khudri, le messager d'Allah a dit, le plus mauvais homme pour Allah le jour de la résurrection est un homme qui, après avoir eu des rapports avec son épouse, les divulgue. Ceci est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, par l'imam Abu Daoud, l'imam Muslim. Et ceci est valable aussi pour les femmes. Donc, l'une des qualités du bon compagnon et de la fréquentation qu'il faut chercher, c'est le fait qu'il préserve le secret de son compagnon. Même au niveau des discussions, combien de frères et combien de sœurs, la sœur ou le frère dit à son frère, garde cela pour toi, et après il se trouve propagé. A'oudhu billah, qu'on préserve les droits d'Allah, et qu'on préserve les droits de la fraternité et de la compagnie et de la fréquentation. Parmi les qualités qu'il faut chercher dans la fréquentation, la bonne parole. Soit quelqu'un qui ne prononce que du bien. Il est dit dans le verset, قَالَ عَزَّ وَجَلْ وَخْفَدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. La traduction approximative du sens du verset, dans Sourate Al-Hijr, verset 88, « Et sois bienveillant à l'égard des croyants. » وقال عز وجل لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. Et dans sourate Al-Imran, verset 159, la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: si tu avais été rude au cœur dur, il se serait enfui de toi. Sois donc indulgent à leur égard et implore le pardon d'Allah en leur faveur. Le messager d'Allah, dans le hadith rapporté par le Bukhari avec cette expression, préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date, et celui qui ne trouve pas, qu'elle le fasse par une bonne parole. Regardez vers quoi nous oriente le messager alayhi salam. Préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une date, et celui qui ne trouve pas la moitié d'une date, qu'il le fasse par une bonne parole. Et parmi les qualités qu'il faut chercher dans la bonne fréquentation, c'est qu'il soit souriant et qu'il salue au moment de la rencontre, que l'acte de salutation soit quelque chose de naturel pour lui, et que être souriant c'est quelque chose de normal pour lui. Parmi les qualités de sympathie de laquelle on peut espérer le bien d'un compagnon, un visage souriant au moment de la rencontre. Un visage souriant au moment de la rencontre. Mais quand la personne, il a le réseau élevé, c'est-à-dire, hein, le front complètement, hein, serré avec plein de traits, le réseau au top, hein, ceci n'est pas bon à la rencontre. Et dans le hadith authentique rapporté par Muslim et Tirmidhi, le prophète d'Allah a dit, ne néglige aucune œuvre de bien si minime soit-il, y compris celle qui consiste à rencontrer ton frère avec un visage souriant. Ne néglige aucune œuvre de bien si minime soit-il, y compris celle qui consiste à rencontrer ton frère avec un visage souriant. Et dans l'autre hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, le messager d'Allah a dit, préserve les droits d'Allah et ne néglige aucune œuvre de bien, si minime soit-il, y compris que tu renverses de ton seau d'eau à celui qui la demande, et de renverser de l'eau de ton seau à celui qui la demande, et aussi le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Le visage souriant signifie que la personne est ravie de la rencontre de son frère et qu'il ne porte que le bien dans son cœur pour son frère. Il ne lui vaut aucune animosité. C'est l'expression du bon sentiment que le frère a pour son frère et pour ceux qu'il fréquente. Quant à salam, quant à la salutation, Allah nous l'a ordonné dans le Coran. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Dans sourate An-Nur, verset 27, la traduction approximative du sens de ce verset nous dit ceci: Ou vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons qui ne sont pas les vôtres avant d'en demander la permission et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous afin que vous vous rappeliez. Vous rappelez quoi? On se rappelle les commandements d'Allah. Verset Sourate la Lumière, verset 27. وقال سبحانه وتعالى فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً. Donc toujours dans Sourate la Lumière, verset 61, la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: Lorsque vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement une salutation bénie et plaisante venant d'Allah. وقال عز وجل وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. Les femmes, Sourate les femmes, verset 86, la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: Si on vous salue, salue d'une façon meilleure ou tout au moins de manière semblable. Donc, quand on nous dit salam alaykoum, on répond alaykoum salam wa rahmatullah. On répond pas hi, ni bonjour, ni salut. Abadan. La meilleure, c'est de répondre à la salutation comme des meilleures façons. Et le premier qui a prononcé salam, c'est Adam alayhi salatu wa salam. Après qu'Allah l'a créé, dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, Abu Huraira a dit que le messager d'Allah a dit: quand Allah a créé Adam, il lui a fait cette recommandation: va saluer ce groupe d'anges assis là-bas. Va saluer ce groupe d'anges assis là-bas et sois attentif à leur façon de te saluer, car c'est de cette manière qu'il faut vous saluer, toi et ta postérité. Adam dit aux anges: Assalamu alaykum, que la paix soit sur vous. Les anges lui répondent: Assalamu alayka wa rahmatullah, que la paix soit ainsi, que la paix ainsi que la miséricorde d'Allah soit sur toi. Ils lui ont rajouté la miséricorde d'Allah. Donc ça, c'est la salutation de notre père Adam alayhi salatu wassalam. Et regardez la bonne manière et la bonne réponse des anges. Il a dit salamu alaykum, ils lui ont répondu alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est ainsi que nous devons être. Certains se trouvent au travail, leurs frères, ils leur disent salamu alaykum, et comme il y a des gouars à côté, ben il a honte de répondre wa alaykum salam. Soit il lève la main, soit il dit salut. Ya akhal islam. Préserve ta religion. Et sois digne, sois fier de ta religion. Et des enseignements de ton Seigneur et de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim et d'autres, selon le Bara ibn Azib, le messager d'Allah, Bara ibn Azib a dit: le messager d'Allah nous a ordonné cette chose, de rendre visite aux malades, de suivre les cortèges funèbres, d'invoquer la miséricorde d'Allah pour celui qui est éternue, de soutenir le faible, d'assister l'opprimé, de saluer les gens et prendre en considération les serments de ceux qui jurent. Donc vous voyez Hein? Ce qu'a ordonné le messager, alayhi salatu wasalam, parmi ces sept choses, il y a le fait de saluer les gens, de propager salam. Quant au fait de se serrer les mains, ceci est un noble geste et un grand comportement qui efface la haine, l'animosité s'ils existent entre ceux qui se serrent les mains. Et notre messager nous a incité à le faire. Et ses compagnons le faisaient, selon Qatada ibn Di'ama, qui a dit, j'ai dit à Anas, radiyallahu anhu arda, est-ce que le fait de se serrer la main était pratiqué par les compagnons du messager d'Allah? Il a répondu, oui. Le hadith, l'athar, est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Et par l'imam Bukhari, Tirmidhi, et il est authentique. Il lui a demandé, est-ce que les compagnons se serraient la main? Il lui a dit oui. Et parmi les qualités qu'il faut chercher, dont, hein, la fréquentation, c'est qu'il soit digne, qu'il soit un digne remplaçant concernant la famille de son compagnon. Parmi les qualités de la bonne et sympathique fréquentation, c'est d'être un bon remplaçant sur sa famille. Quand il s'absente, avec ceci bien sûr, en préservant toutes les règles que la législation impose. Et s'acquitter du devoir de son frère en son absence, en occultant ses défauts, et en préservant son honneur, et en étant, selon les capacités, au service des siens, tout en respectant les règles de la législation. Le messager d'Allah a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, selon Zayd ibn Thabit, selon Zayd ibn Khalid, le messager d'Allah a dit, celui qui équipe un combattant sur le sentier d'Allah est considéré avoir participé lui-même au combat. Et celui qui remplace un combattant dans sa famille est considéré avoir participé lui-même au combat. Regardez, celui qui remplace un combattant dans sa famille est considéré avoir participé lui-même au combat. C'est-à-dire, il s'inquiète de leurs besoins. Et si ils ont besoin de quelque chose, va les aider. Tout ceci doit se faire dans les règles de la législation. C'est-à-dire, hein, la femme reste derrière les murs de sa maison, derrière sa porte, ainsi que de suite d'avoir des rapports avec le fils de la maison et de s'acquitter de leurs besoins. Et s'ils ont besoin de quelque chose, en l'absence de leur père et ainsi de suite. C'est ça. C'est une des qualités qu'il faut. Qu'est celui que on veut avoir comme fréquentation? L'une des qualités aussi qu'il faut chercher, c'est que cette personne doit être parmi ceux qui présentent leur condoléances à leurs frères et à leur fréquentation. Le fait que le compagnon fasse ses condoléances à son compagnon, et le fait de l'inciter à la patience, cela fait partie de la sunna de notre messager, alayhi salatu wasalam. De consoler ceux qui ont subi la mort de l'un des leurs, et d'être de leur côté, et de lui soutenir moralement. Selon Oussama bin Zayd, l'une des filles du messager, alayhi salatu wasalam, lui a envoyé un messager pour l'informer que son jeune enfant était mourant. Ça, c'est la fille du prophète, alayhi salatu wasalam, qui envoie un messager au prophète, alayhi salatu wasalam, pour lui annoncer que l'un de ses enfants est mourant. Le prophète dit alors au messager de sa fille, retourne auprès d'elle et informe-la qu'Allah, le Très-Haut, appartient ce qu'il a pris et ce qu'il a accordé, et que toute chose auprès d'Allah a un terme bien déterminé, qu'elle se montre patiente et résignée. Regardez la consolation de notre messager, alayhi salatu wasalam. à ceux qui ont subi la mort d'un enfant ou la mort d'un père et ainsi de suite. Aussi, l'indicalité, c'est qu'on doit chercher dans la personne qu'on veut fréquenter, qu'il soit sincère dans ses conseils, qu'il soit digne du conseil, sincère dans ses conseils. Car celui qui est sincère dans son affection pour quelqu'un, il sera digne et sincère avec lui, avec son conseil pour son compagnon. Celui qui est sincère dans son affection et dans son amitié pour quelqu'un, il sera digne et sincère avec son conseil pour son compagnon. Le messager a dit, la religion, c'est le conseil. On a dit pour qui au messager d'Allah? Il a dit pour Allah, le livre d'Allah, les imams des musulmans et la masse parmi vous. Le hadith, il est rapporté par l'imam muslim. Et le messager d'Allah a dit, les droits du musulman sont au nombre de 6. Quand tu le rencontres, salue-le. S'il t'invite, réponds à son invitation. Et s'il te demande conseil, conseille-le. Et s'il est éternu, implore la miséricorde d'Allah pour lui. Visite-le quand il est malade et à sa mort, suis son cortège funèbre. Ceci est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a annoncé ce qu'a dit Nuh à son peuple. Qala wa ansahu lakum. La traduction approximative du sens du verset. Et je vous conseille, ainsi a dit Nuh à son peuple. Hud a dit à son peuple, قال عز وجل وانا لكم ناصح امين. La traduction approximative du sens du verset, et je suis un digne conseiller pour vous. La réalité du conseil, vous voyez que la réalité du conseil, elle est comme l'a défini Ibn Salah rahimahullah. Ibn Salah a dit, la réalité du conseil, c'est que le conseiller accomplit toute forme de bien pour celui qu'il conseille, pas avec l'intention et l'acte, avec une bonne intention, avec l'acte, qu'il accomplit toute forme de bien, que ce soit au niveau de la parole, au niveau des actes, au niveau du conseil, pour celui qu'il conseille, avec son intention et avec son acte, il accomplit tout ça. Et il est rapporté dans le Bidaya ou le Nihaya d'Ibn Kathir rahimahullah, qui est un recueil d'histoire, le tome 17 à la page 360. Parmi les ruses avec lesquelles on a comploté contre l'islam, la trahison au nom du conseil. La trahison déguisée par le conseil. Comme a fait Ibn al-Alqami, qui était un rafidi, impur, batini, isorétique. Quand il a fait ce Al-Qami, parmi les ruses avec lesquelles on a comploté contre l'islam, la trahison au nom du conseil, comme a fait Ibn al-Alqami. Quand il a fait chuter la khilafa des Abbasides et qu'il a facilité aux Tatars de coloniser les terres musulmanes et de faire couler le sang des musulmans et de s'accaparer de leurs biens et de détruire leur culture et leur civilisation et leur science ainsi que leurs livres. Ibn al-Alqami était ministre du calife Abbaside Al-Mu'tasim Billah. Il conseillait au calife Abbaside de diminuer le nombre de l'armée et des soldats musulmans. Alors que l'armée comptait à la fin de la khilafa de Al-Mustansir 100 000 hommes, 100 000 combattants presque, ils sont devenus 10 000 seulement à l'époque de Al-Mu'tasim à cause de ce mauvais conseiller. Et après cela, Al-Alqami a écrit aux Tatars et les a tentés et incités de mettre la main sur les pays de l'islam. Et il leur a fait faciliter la situation. Et il aura bien détaillé la faiblesse des hommes et de l'État. Regardez la haine que portent ces Perses pour l'islam et pour les musulmans. Et la haine que portent les rawafid pour l'islam et les musulmans, au point que ruser et faire passer leurs ruses et leurs complots par la voie du conseil. Et regardez maintenant les bons conseillers. Et regardez le conseil dans toute sa noblesse. Dahabi, rahimahullah, dans Siyar A'lam Nubala, rapporte que quand Al-Fudayl ibn Iyad est rentré chez le calife Harun Rashid, le prince des croyants, il lui a dit, Al-Fudayl a dit, Harun Rashid, oh toi le beau visage, tu as une énorme responsabilité. Je n'ai pas vu quelqu'un avec un aussi beau visage comme le tien. Si tu peux ne pas noircir ce visage avec le feu de l'enfer, fis-le. Regardez le conseil d'In. Si tu peux ne pas noircir ce visage avec le feu de l'enfer, fis-le. Harun Rashid lui a dit, exhorte-moi. Le Fudayl lui a dit, avec quoi je vais t'exhorter? Voici le livre d'Allah et ce qu'il renferme entre ses deux couvertures. Regarde ce qu'il a fait de ceux qui lui ont obéi et ce qu'il a fait de ceux qui lui ont désobéi. Il lui a dit, j'ai vu les gens courir vers le feu, c'est-à-dire courir derrière ce bas monde dans la débauche, etc. Et donc, il lui a dit, j'ai vu des gens courir vers le feu, ils le cherchaient ardemment. Par Allah, s'il demandait le paradis de la sorte, il l'aurait. C'est-à-dire s'il faisait tellement d'efforts qu'il faisait pour leur passion, etc. Et que s'il faisait ses efforts pour le paradis, il l'aurait. Il a dit le Fudayl, rahimahullah. Harun Rashid lui a dit, reviens me voir. Le Fudayl ibn Iyad lui a dit, si tu ne m'avais pas envoyé pour me chercher, je ne serais pas venu vers toi. Je ne serais pas venu te voir. Et si tu profites de ce que je viens de te dire, je reviendrai vers toi. Fin de citation. Regardez le conseil qu'il lui a fait. Il lui a fait le conseil de se préserver du feu de l'enfer. Et en même temps, il l'a orienté vers le livre d'Allah. Quand il lui a dit, exhorte-moi, il lui a dit, regarde ce qu'on renferme, les deux, ce qui est renfermé entre les deux couvertures du livre d'Allah. Il renferme les promesses et les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé ceux qui l'ont mis en application. Il renferme aussi les châtiments qu'il a fait subir subhanahu wa ta'ala ceux qui ont donné le dos à ce livre. Regardez ses conseils. Il lui conseille de se préserver contre le feu de l'enfer et il lui conseille aussi de se pencher sur le livre d'Allah. Et quand ce calife a demandé à Al-Fudayl de revenir le voir, il lui a dit, si tu profites de ce que je viens de te dire, c'est-à-dire de l'exhortation que je viens de te faire, je reviendrai vers toi. Allahu Akbar. Regardez comment ils étaient dignes, ces salafs, du conseil. Regardez cette sincérité, cette véracité de ce conseil d'Al-Fudayl à l'émir des croyants Harun Rashid. Et qui c'est Harun Rashid? Une année, il l'a passé sur le combat, sur le sentier d'Allah, et une année, il faisait le pèlerinage. Et regarde ici ton gourmand de Harun Rashid pour le conseil, pour l'exhortation. Le Hafid ibn Rajab, rahimahullah, dans son livre Al-Uloum wa Al-Hikam, à la page 98, a dit, le messager d'Allah a annoncé que la religion c'est le conseil. Cela prouve que le conseil englobe toutes les qualités de l'islam, de la foi et de la bienfaisance qui sont citées dans le hadith du Jibril. Et Allah a nommé tout cela religion. Le conseil pour Allah implique le fait d'accomplir les obligations de façon la plus complète. Et c'est la bienfaisance. Le conseil pour Allah ne peut être accompli qu'avec cette façon, que de cette façon. Et cela ne saurait être qu'avec l'amour obligatoire et surérogatoire complet. Et cela incombe de faire des efforts en se rapprochant d'Allah avec toutes sortes d'obéissances surérogatoires de cette façon. Et délaisser toutes sortes d'illicites de cette façon aussi. Fin de citation. Donc on voit bien à partir de ces citations l'importance des conseils envers les musulmans. Les avertir contre le polythéisme, les avertir contre le châtiment d'Allah, les avertir contre tout associateur, les associateurs de tous bords, les avertir contre les innovations et les innovateurs de tous bords, les avertir contre les débauchés et la débauche. Les meilleurs qui ont accompli depuis l'aube de l'islam le conseil, hein, comme il se doit depuis l'aube de l'islam, les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Rien d'étonnant que de trouver dans les livres des savants, que de trouver des livres concernant la réfutation du faux, la réfutation de l'innovation, la réfutation de tout ce qui est en contradiction avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit le polythéisme, que ce soit les innovations, que ce soit la débauche, et ainsi de suite. Ainsi, ils sont ceux qui suivent à la perfection, hein, la voie du noble, du messager alayhi salatu wassalam, et la voix de ses nobles compagnons. Et ceci, on le remarque clairement dans leurs écrits, et on le remarque clairement dans les explications en audio qu'ils ont fait des livres, et on le remarque clairement dans leurs conférences qu'ils donnent. Et cela n'est tout simplement que la mise en application de la sunna du messager d'Allah, et la mise en application du suhadith de Abu Abi Tamim Dari radiallahu anhu arda, où le messager a dit: La religion, c'est le conseil. Donc, nous ne devons pas prêter l'oreille à ceux qui jettent des ambiguïtés sur les avertissements et les mises en garde des savants contre les innovations et les innovateurs. Ceux qui envoient ce genre d'ambiguïté, c'est une forme de trahison déguisée, soi-disant par le conseil. Ah, c'est un déguisement du faux avec le vrai, l'iyadan billah. C'est vouloir détourner les gens et les jeter dans la déviance et dans, hein, le sillon de la sa'faqa et des ikhwan et d'établir et j'en passe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Jazakumullahu khairan.